45. Épilogue. La piraterie sur la ligne de front. Lu par Atreyu. Épilogue. La piraterie sur la ligne de front. Chacune des deux visions de la culture et de la connaissance qui s'affrontent aujourd'hui s'incarne autour d'une figure mythique qui définit le regard porté par la société sur le créateur. Ces deux modes influencent les évolutions du droit qui en structure et en organise les règles. Le modèle du génie romantique, accaparé par les marchands du savoir, pousse à désormais un durcissement continu de la propriété intellectuelle. Chasse aux copieurs, extension du champ du privatisable, guerre au public. Face à cette expansion promue par les gouvernements depuis une vingtaine d'années, le camp des hackers a aménagé un espace d'ouverture, démontrant ainsi la force de son modèle et permettant d'en réévaluer d'autres, comme celui de la science ouverte. Mais les deux modèles ne sont pas étanches, et il serait naïf d'imaginer une coexistence apaisée. Les défenseurs du génie romantique assiégé se défendent avec vigueur. Leur usage obsessionnel du mot « piraterie » aujourd'hui en est le signe le plus évident. Longtemps cantonné au domaine de la copie illicite à visée commerciale, il sert désormais à invectiver le public investi dans des pratiques d'échange non marchande. Le prêt en bibliothèque a été qualifié de contrefaçon. Le téléchargement de musique sur les services de peer-to-peer est dénoncé en bloc, comme un vol, alors même qu'il circule aussi des œuvres en libre accès. Ce glissement de sens est politique. Le mot « pirate » mêle les mafias et le public et jette l'opprobre sur les créateurs pratiquant le partage. C'est donc sur le terrain économique et politique que les hackers doivent désormais porter leur attention.